Sabine Huchon, la petite fin du Père Noël. Bonsoir mes petits amis. Avez-vous regardé dehors la belle nuit étoilée de Noël? De sa fenêtre au pôle Nord, le Père Noël le regarde, ce beau ciel étoilé. Quand soudain, il entend un petit bruit. Il tend l'oreille, le petit bruit recommence. Mais le bruit vient de mon estomac, s'écrie-t-il soudain. Dis donc, Mère Noël, le souper est-il prêt? Je crois que j'ai une grosse faim. Oh non, mon pauvre mari, j'ai tant de travail pour que tu puisses charger ton traîneau de tous ces beaux cadeaux. Mais les lutins ne t'aident-ils pas? Bien sûr, ils sont très travailleurs, eux aussi. Mais il y a tant d'enfants sages qu'il faut récompenser cette année. Me laisseras-tu distribuer les cadeaux le ventre vide? La mère Noël éclate de rire. Ton ventre est assez gros, il attendra bien demain matin. D'ailleurs, voici les lutins qui reviennent. En entrant dans le chalet, le chef des lutins se dirige vers le Père Noël. Tout est prêt, Père Noël. Les rennes ont mangé, ils sont attelés, et tous les cadeaux des enfants sont dans votre traîneau. Ils ont mangé, eux au moins, bougonna le Père Noël. Mais moi, j'ai toujours faim. Il enfile ses bottes, son grand manteau rouge et son bonnet bien chaud, puis il sort pour s'installer sur son traîneau en ronchonnant un peu. Mais dès qu'il distribue le premier cadeau, sa bonne humeur lui revient très vite. Au pied du sapin où il a déposé une jolie poupée, il trouve un tout petit tabouret où quelqu'un a posé un verre de lait, un biscuit et un petit mot. Ce verre de lait et ce petit biscuit sont pour toi, Père Noël. Je t'embrasse, Odile. Et c'est ainsi dans chaque maison où les enfants ont installé leurs petits souliers. Au 10e cadeau distribué, le Père Noël n'a plus faim du tout. À la fin de la nuit, quand le Père Noël rentre dans sa maison du pôle Nord, il porte une grosse boîte dans la main et un gros sac sur l'épaule. La mère Noël, tout étonnée et un peu paniquée, lui demande « Que s'est-il passé? Tu n'as pas donné tous les paquets aux enfants ?»« Oui, oui, » répond le Père Noël, « c'est juste que les enfants ont été très généreux cette année. Regarde ce que je rapporte. » Il ouvre la boîte et la mère Noël ouvre de grands yeux. La boîte est remplie de petits gâteaux de toutes les formes. « Il faudra les partager avec les lutins qui nous ont si bien aidés, » s'exclame-t-elle. « Et que contient ton gros sac ? Il est rempli de carottes pour les rennes. » Le lendemain, après avoir bien dormi, tous les habitants du village du Père Noël firent un grand festin. Et on n'oublia pas d'inviter les rennes.